je trouve intéressant de revenir à la définition que vous avez donnée au début. Tous les moyens qui peuvent être utilisés par un agresseur, tu sais. On a beaucoup l'image, là, quand tu parlais d'un continuum, tantôt, je venais de viol à main armée, qui est dans, en tout cas, vous allez voir, ça peut me dire ce qui est plus grave, là, je sais pas. Mais, c'est niveau 3. Hein? C'est niveau 3, ça. Ouais, c'est ça, l'agression sexuelle grave. Mais il y a la manipulation, le chantage, l'intimidation, et puis, qu'on observe, nous, dans notre pratique, dans les galaxies sur le terrain, avec des sauvements d'agression sexuelle, c'est que des femmes se présentent dans un centre parce qu'elles ont un malaise, puis elles se demandent justement si c'était une agression. Mm-hmm. Puis quand on est dans une société, puis avec les hommes, la pornographie, tout ça, il y a toutes sortes de contextes où on peut se sentir un peu obligé. Mm-hmm. Tu sais, il y a toute une déconstruction de mythes, là, puis. Tantôt, ton exemple de la campagne sur le consentement, il y avait eu, je pense que c'était en Australie, il y avait eu une campagne, c'était Consent is sexy, le consentement c'est sexy. Ça s'adressait aux hommes d'aller justement valider le consentement de sa partenaire. C'est pas parce que t'es bien sexy que c'est grand nécessairement, c'est pas parce que elle l'a fait déjà 5 fois avec toi que ça est grand encore à ce moment, on va écouter la parole. C'est à peu près le même phénomène. Moi, je travaillais avec les femmes victimes de violences conjugales. Souvent, les femmes avaient un certain malaise justement dans leur sexualité, mais jamais elles avaient eu conscience du fait que c'était pas nécessairement correct de céder. T'sais, c'est comme, mais c'est directement lié au fait que tu cèdes et que tu sois pas nécessairement volontaire. T'sais, fait que toute cette et tout à fait, tu sais, fait qu'il y a un manque flagrant d'information en fait, et de sensibilisation par rapport à sa propre sexualité, tu sais, puis à ce que c'est avoir une sexualité saine, épanouie, consensuelle et égalitaire, qui mène à des situations comme ça. Tu arrives devant une femme, ça fait 50 ans qu'elle est avec un homme, elle n'avait jamais compris pourquoi est-ce qu'elle était aussi pas bien dans sa vie sexuelle, tu sais. Il y avait deux, oui. Au niveau des normes sociales, il y a tellement d'enjeux, ça peut avoir rapport à la pornographie. Mais je pense même dans un contexte non pas de reproduction pornographique, là, ça va arriver aussi, mais plus d'un point de vue de l'interaction, toute la séquence sociale de la bonne manière, si on veut, de qu'est-ce qui va appeler le prochain geste, puis comment on répond à un geste au niveau du lien social. Tu sais, par exemple, que j'arrive chez toi, je t'étends la main, je te dis bonjour, là, tu me donnes une chaise, puis là, un verre d'eau, puis là, on engage la discussion. De la même façon que, mettons, tu es attiré par l'autre personne, tu veux vraiment avoir une interaction, une intimité avec cette personne-là, mais que tu peux aller plus loin que l'an passé. Mais là, après ça, la prochaine étape, c'est quoi la réponse? Puis comment que l'autre personne décode c'est quoi ta volonté, puis que là, comment ça joue? Puis là, des fois, on peut se rendre compte, au bout de la relation, que finalement, les deux, ils voulaient pas se rendre dans cette relation-là, mais à cause de la séquence normale de genre, j'ai envie d'être avec toi puis d'être amoureux, on se laisse aller, puis là, les deux sont battus. En lien avec ça, je sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais moi oui, il y a certaines situations où est-ce que tu te dis « Ah merde, je suis trop loin pour dire non, tu sais. » C'est comme, étant donné qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme « fuck ». Là, si j'ai à dire non là, je vais me sentir vraiment mal et coupable, tu sais. Fait que c'est ça, c'est quand même intéressant cette notion de séquence. Il y avait toi, oui? Oui, nous on avait pensé, quand la personne est en train de voir, est-ce qu'elle est plus, qu'elle est pas capable de prendre un choix éclairé dans le sens si tu regardes déjà tout ce que tu es en train de faire en ce moment, je pense pas que tu peux consentir à faire ce soit, que ce soit de prendre plus de drogue ou d'avoir des relations sexuelles. Je pense que soit tu es trop drogué pour pouvoir prendre une décision, soit tu es trop coqué pour pouvoir prendre une décision, soit tu es trop fatigué pour pouvoir prendre une décision. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille la nuit et qui arrive chez elle et je suis fatiguée, je veux dormir, puis la seule chose à quoi je peux penser, c'est dormir. Je suis pas capable de faire un choix si je veux avoir une relation sociale ou pas. Oui, mais à ce moment-là, c'est quoi le signe qui fait que, oups, tu sais, comme c'est quoi le signal qui dit que t'es à ce stade-là, mettons? Non, mais tu fais plus fatiguée. Je sais pas. C'est ça le problème, tu sais. C'est pas ça, c'est ça. Il y avait d'autres mains levées, je me rappelle, c'est quoi là? Ben, pour aller dans la séquence numérante, on a une vision très précise de c'est quoi une relation sexuelle. C'est une relation souvent avec pénétration, mais en même temps, justement, dans la « Oh mon Dieu, je suis allée trop loin », mais effectivement, pourquoi qu'on se dit qu'il y a un goût à une relation sexuelle, c'est ça fait, oui. Parce que c'est là où est-ce que j'allais en venir. Une relation qui est consensuelle, c'est une relation qui est volontaire, mais dans laquelle aussi tu peux dire non à n'importe quel moment. Tu sais, mm-hmm. N'importe quel moment, tu peux décider, ah là, ça me convient plus, tu sais. Et ça se doit d'être respecté, évidemment. Nous, on a parlé d'un mythe qui est véhiculé dans la société, que quand la femme dit non, ça veut dire oui, puis que le gars, quand il entend non, ben c'est qu'il faut qu'il aille plus loin. C'est comme un défi, là. Ouais, c'est ça, qu'il faut que la fille doit se laisser désirer. Donc, à quel moment, ben dis-tu, non, est-ce que ça veut dire oui, est-ce qu'il faut... La notion de contact, hein? Ouais, c'est ça. Pour conquérir, il y a un obstacle. Puis souvent, c'est ça. Puis ça, c'est un trait typiquement féminin, tu sais. Puis souvent, lorsqu'on dit non, on ne dira pas juste non. On va sentir le besoin de justifier. Non, parce que là, je me sens pas bien. J'ai mal au ventre. Ah non, là, ça fait pas si longtemps que je suis célibataire. Tu sais, c'est comme... Les quand on n'a pas besoin, tu sais. Non, ça peut être juste, tu sais. Ça peut être ça, ça peut être non. Quand je suis ici, ça amorce une discussion. Tout à fait, ça amorce la discussion, puis ça donne justement plus de poigne à l'autre pour remettre en question ce nom-là. Il y avait Diane. Moi, je voulais revenir sur ce que l'une des jeunes femmes disait tantôt là, par rapport à. Parce que oui, on peut garder le consentement juste par rapport à deux individus, mais pour moi, c'est important de voir le consentement comme une réalité dans une société qui ne reconnaît pas l'oppression des femmes. Mm-hmm. Le consentement, pour moi, c'est la pierre angulaire de l'oppression. Mm-hmm. Et c'est vrai pour tous les systèmes d'oppression. On veut que les victimes soient, dans le fond, pas des victimes, donc on leur construit le consentement. Mm-hmm. Et pour les femmes, le consentement social, sexuel, social, c'est d'être accessible aux gars. Mm-hmm. Accessible sexuellement aux gars, peu importe dans quelle situation, dans tes relations individuelles, on peut faire le même parallèle par rapport à la prostitution, mm-hmm. t'es supposé dire oui. Et t'es supposé vouloir dire oui. Et c'est jamais basé sur la question, je sais pas si vous allez avoir, parce que malheureusement je ne peux pas rester cet après-midi, mais si vous allez avoir l'occasion de parler de ça, mais c'est aussi comment, effectivement, on peut déconstruire cette idée que, en fait, le rôle que joue le consentement dans le maintien de l'oppression des femmes et la violence sexuelle aussi. Comme c'est comme contrôle des femmes, comme c'est contrôle de notre corps, de notre sexualité, de notre espace. Ça, c'est ça, le rôle du consentement est comme mineur dans le phénomène de la violence. Puis, parce qu'à tout moment, c'est vrai dans la violence sexuelle, c'est vrai dans tous les types de violence. À un moment donné, on considère que la femme a consenti. Mm-hmm. Et si c'est pas elle, c'est sa mère parce qu'elle l'a élevée comme ça. Mm-hmm. Si c'est pas elle, c'est la mère de l'agresseur parce qu'elle l'a élevée comme ça. Parce que donc, le rôle, la négation en fait du concept de victime dans des systèmes d'oppression. C'est là où est-ce que je vais en venir tout à l'heure. Il n'y a rien qui, dans notre socialisation en tant que femme, qui nous aide. C'est dans le consentement, tu sais, comme tout nous montre justement à ne pas nous affirmer, à ne pas vouloir déplaire à l'autre, c'est comme on est pas outillé, tu sais, ouais, tant que ça. Désir, aussi. À pas connaître notre propre sexualité. Tout à fait. On ne peut pas parler de normes sociales. Non. Quand on parle des normes sociales, dans le consentement, il faut mettre dans le contexte des pressions pour avoir des relations sexuelles avec des hommes. Mais c'est clair qu'avec un terme comme ça, on aurait pu en parler pendant 3 jours et ça resterait encore pas très exhaustif, mais oui. Pour répondre à ça, l'idée de faire une réflexion sur l'interaction individuelle et subjective qui se passe dans la relation aussi, c'est pas vraiment pour nier la réalité systémique ou structurelle, mais vraiment pour essayer de nous donner des outils à nous, comment on est capable d'en prendre conscience, hommes, femmes, comment on est capable à travers ça de construire des outils pour l'avenir, pour être capable de permettre une éducation dans laquelle chacun va savoir ce serait quoi une notion de consentement, puis comment ça s'articule à travers l'interaction sociale aussi, parce que ça se passe entre deux personnes aussi au moment où ça se passe, c'est tout le système, tous les hommes et les femmes qui vont s'abattre sur une personne, c'est de un à un, même s'il y a un système autour. Je pense que c'est ça l'idée d'essayer de se demander là, phénoménologiquement ou subjectivement comment ça s'articule, comment on peut réagir. Je vais prendre une dernière intervention parce que vraiment, je veux vraiment venir à tout l'aspect de la socialisation, en fait, qui est comme majeur si on veut revenir à une sphère plus collective. Oui. Mais en fait, on a développé au fait qu'on a des expériences personnelles, des expériences en proche aussi, puis justement dans des réalisations, c'est que quand il y a un point d'échange vers vous, de ces images, on dit oui et non, vous avez. Comme plusieurs enfants dans la tête, j'ai dit que je n'ai pas dit un bon changement, ça fait souvent, parce que ça, c'est comme les gens s'insinuent dans la bulle de l'autre avant d'être accepté, je ne sais pas comment tu sais, sur le point aussi, c'était que dans le fond, justement, quand il y avait de la pression pour obtenir un consentement, moi, dans ma tête, le consentement est impossible. Non, c'est clair. Il y avait une dernière. Il y a un cas où, pour certaines personnes, le consentement est perçu, même si ce n'est pas nécessairement le cas. C'est quand il y a orgasme de la part de la victime. Il y a plusieurs personnes qui ont tendance à penser qu'à partir du moment où la victime de violence sexuelle a orgasmé, à ce moment-là, elle est déconsentante parce que généralement, un orgasme vient avec une volonté de et chez l'agresseur et chez la victime même, qui va se culpabiliser si jamais c'est arrivé. Donc, c'est clair que ça, c'est utilisé pour justifier ou pour se déresponsabiliser d'une agression, en fait, de la part de l'agresseur. Juste, on va se garder pour la fin, si tu veux bien. Peut-être juste un commentaire sur ça, parce que je pense que ça revient à la socialisation que les femmes ont de leur sexualité. On n'a pas une sexualité qui est aucunement physique ou biologique, on est socialisé beaucoup en se faisant faire à croire aussi, entre autres, et surtout qu'on a une sexualité psychologique. Alors que quand on a un orgasme, c'est parce qu'il y avait une sexualité psychologique qui nous encourageait à jouir. Mais c'est une construction. Exactement. Puis c'est une construction sociale aussi de la sexualité des femmes. Fait que juste pour revenir succinctement sur la notion de consentement, donc. Ce consentement-là doit évidemment être libre et fondé sur de l'information exacte et complète aussi. Si on peut juste penser à un gars te demande, ou une fille, veut une relation qui n'est pas protégée, puis tu n'as pas l'information que cette personne-là a une maladie transmissible sexuellement. C'est comme, OK, si je n'ai pas l'information qui me permet de faire un choix éclairé, on ne peut pas parler de consentement à ce moment-là. Donc, à tout moment, comme on disait, ce consentement-là peut être enlevé. On se disait aussi, puis je voulais revenir, je ne me rappelle plus qui disait ça tout à l'heure, mais un consentement, il y a différentes manières, en fait, de ne pas consentir. Il y a le non-verbal peut aussi être un signe assez clair que tu ne consens pas et doit aussi être pris en considération. Souvent, il y a des femmes, en fait, qui vont se culpabiliser de ne pas avoir dit non directement, mais si tout ton corps parle et démontre que tu n'es pas à l'aise, que tu ne veux pas, mais c'est aussi un signe, en fait, qu'il n'y a pas de consentement. T'sais, on revient à ce qu'on disait, de dire que par défaut, c'est oui, sauf si tu dis non. Et donc, cette idée-là que par défaut, tu es accessible, que tu es disponible, sauf si là, tu vas dire non, puis là, il faut que tu dises assez fort, assez clairement, assez, hein? Et donc, c'est un peu de dire, peut-être qu'on doit renverser et dire par défaut, c'est non, à moins qu'il y ait un oui. Tu sais, d'essayer de... pour défaire un peu ces normes sociales-là d'accessibilité et de moments où est-ce que... C'est normal d'avoir une sexualité dans ce contexte-là. C'est comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure. De quoi? Non? Oui. On va revenir au point sur la socialisation, en fait, parce que c'est clair que notre éducation, ce qu'on nous a enseigné, dépendamment de si on est né homme ou femme, a nécessairement des impacts très grands sur tout le phénomène de la violence sexuelle, des agressions, en fait. On peut facilement penser, puis là, je ne sais pas si on n'a pas vraiment le temps d'en discuter. Si on pense, par exemple, à toute la socialisation des femmes pour plaire aux hommes, en fait. Mais ça, ou aux autres tout court. Fait que ça peut impliquer, en fait, que ça va être difficile pour une femme qui a été socialisée en tant que femme de dire non par peur de déplaire aux autres, ou pour prendre soin de l'ego de l'autre personne. Si on pense à un homme, il y a plein de femmes qui voudront pas dire non parce que pauvre petit gars, tu sais. C'est comme son ego en tant qu'homme, là. Un homme, c'est nécessairement super bon sexuellement. Si tu vas lui dire qu'il est pas habile ou que t'as pas envie, c'est comme ouf, hein, pauvre ego. Fait que toute cette socialisation-là pour plaire, elle pas nécessairement aux femmes dans leur, comment dire, dans leur affirmation aussi de leurs propres limites et de leurs propres désirs, en fait. Tout le fait de vouloir prendre soin aussi des autres personnes, voire même de se sacrifier pour d'autres. C'est comme, ah, ben si je le fais ce soir, là, ça va être... semble que ça pourrait lui faire du bien ou faire du bien à ma conjointe, disons. Donc, à son propre détriment. T'sais, je suis sûre que c'est arrivé au moins une fois presque tout le monde de coucher avec une autre personne juste pour lui faire plaisir, en fait. Quand toi, ça te tente pas tant que ça, c'est comme, ah, je vais faire un petit effort, tu sais. Parce que pour faire plaisir à l'autre personne. Ne pas dire non pour éviter le conflit. Il y a plein de femmes qui, en fait, ont peur du conflit, ne veulent pas... on a une relation qui n'est pas très saine avec la colère, en fait, ou avec le conflit. Donc, le fait de dire non, c'est ça. Il y a comme un lien, en fait, à faire avec ça. Ces trucs-là sont bons, pas juste dans le fait de dire non, mais dans le fait de dénoncer par après. Donc, c'est trois choses-là qu'on vient de nommer, la peur du conflit, la peur le désir de prendre soin des autres et le désir de ne pas déplaire, sont autant valables dans le fait d'après ça, ne pas dénoncer. Parce que si tu dénonces, tu crées un conflit. Si tu dénonces, tu attaques quelqu'un, donc tu prends pas soin de cette personne-là. Et si tu dénonces, c'est sûr que ça va déplaire pas juste à lui, à plein d'autres monde autour de toi. Et donc, c'est des enjeux qui sont pas juste au moment où tu dis oui ou tu dis non dans la relation, mais aussi dans la suite des choses. De continuer de vouloir prendre soin de... Ben, peut-être que, tu sais, ça va... Tu seras pas content que j'aille dénoncer, tu sais, c'est clair. En lien avec ça, c'est que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a aussi vraiment une banalisation en fait des impacts d'avoir une relation sexuelle qui n'est pas désirée et une désinformation aussi par rapport à la sexualité, comme on disait tout à l'heure, à qu'est-ce qu'une relation saine et égalitaire. Plusieurs femmes, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, que j'ai rencontrées, qui ont vécu différentes formes de violence, en fait, n'avaient aucune idée de ce que pouvaient être les impacts sur elles, n'avaient pas pris conscience des impacts sur elles, d'avoir à répétition des relations sexuelles qui ne sont pas désirées. Et ça a des impacts réels qu'on pourra parler tout à l'heure. Mais ces impacts-là sont méconnus, sont sous-estimés, sont banalisés, en fait. Et ça a clairement un impact sur le phénomène des agressions. Puis, chez les hommes comme chez les femmes, c'est banalisé. Tout à fait. Non, c'est ça. Puis je dis chez les hommes autant que chez les femmes. Je questionnerais ça, là. Ouais. Parce que donc, dans la socialisation, il faut encore une fois que les femmes soient contextualisées. Ben, c'est parce que je ne comprends pas dans ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Là. Mais, parce que je pense que quand on parle de la question pour les femmes, la notion du consentement est une question très politique. Et pour les femmes, ça a un caractère effectivement qui dépasse la relation avec l'individu. Et je pense que c'est une erreur de juste dire que ben, ça arrive aussi au cas d'avoir des relations sexuelles quand ça l'a. Non, je parlais des agresseurs, en fait. Les agresseurs se plaisent, en fait, à croire qu'il n'y a pas d'impact, tu sais. Que les impacts sur les femmes sont minimes. Non. La banalisation, elle se fait des deux côtés. Les femmes pensent qu'il n'y aura pas d'impact sur elles et les hommes pensent qu'il n'y aura pas d'impact au fait d'avoir d'imposer aux femmes. Tu sais, que l'impact va être peu. Ils se plaisent à croire que. C'est un processus de déresponsabilisation qui est soutenu par la société. Je ne suis pas en train de parler de processus individuel, mais d'impact, de processus collectif sur les individus. De socialisation. De la socialisation. On est dans le point socialisation. Donc, merci de préciser, parce que peut-être que ce n'était pas clair, en fait, comment est-ce que j'ai formulé, mais il y a vraiment En fait, puis ça, c'est ça, cette banalisation des impacts-là sert bien à certains hommes qui s'en servent pour se déresponsabiliser par rapport à leur comportement. Tu as tout à fait raison, Diane. Merci. Aussi, dans la dératophobisation, il y a toujours l'éducation de l'alcool et de l'alcool. Il y a toutes sortes de choses, en fait, qui peuvent être prétexte à se déresponsabiliser. Tout à fait. Mais c'est important de mentionner le fait qu'on dit que ben, tout d'un coup, si tu as bu, tu n'es plus responsable de tes actes. Mm-hmm. Je veux dire, depuis quand, si tu tues quelqu'un sous l'effet de la boisson, tu n'es plus responsable de tes actes? C'est, je veux dire, ça peut être des circonstances, peut-être, je ne sais pas, légalement, c'est quoi les... C'est hein? Plus maintenant. La défense d'état d'ébriété a déjà été employée, que ce soit pour le meurtre, que ce soit pour l'agression sexuelle, avec succès dans les années 80, ça a été plaidé pour un cas d'agression sexuelle, ou il a été plaidé que l'homme était trop saoul pour avoir conscience du fait qu'il était en train de violer une femme. Et la cour avait accepté la défense et le législateur a appliqué en fermant la porte à cette défense-là en disant que quand on s'intoxique volontairement, on reste responsable de ce qu'on fait après. Puis c'est pas en ayant plus ou moins fait exprès qu'on a trop qu'on peut se déresponsabiliser de ce qu'on fait. Sauf que, indépendamment de la loi, c'est ça la différence entre nos ateliers, je pense, socialement, on garde cette idée-là que, ben là, s'il est chaud, il n'est peut-être pas content. Il y a aussi le fait que, même si selon la loi, peut-être qu'il ne peut pas gagner, nous autres, comme on gère en tant que société, ça reste présent. Entre autres dans les médias, la couverture média des crimes sexistes met encore beaucoup d'accent sur « monsieur était sous des tranquillisants »,« monsieur n'avait pas pris ses tranquillisants ». Donc, on voit que les avocats de la défense continuent à alimenter les médias avec des arguments qui sont peut-être dépassés parfois, mais qui contribuent à mettre dans l'esprit des juges et des gens qui regardent la situation l'irresponsabilité masculine. Oui, ça atténue, en fait. Il y avait une personne qui en fait, pour revenir dans la loi, si les agresseurs ne peuvent plus utiliser ça comme moyen de défense, en fait, les victimes s'en viennent eux-mêmes. Donc, le fait qu'ils soient intoxiqués volontairement, ça voudrait dire qu'ils étaient responsables du fait que tu te fais agresser. Mais en fait, qu'est-ce que tu dis, c'est qu'ils ne peuvent plus invoquer ça. Non, on peut non plus l'invoquer. Non, non, non, mais ça. Mais c'est pourquoi tu n'as pas commis de crime, hein? Tu n'as pas déresponsabilisé dans le sens que, je veux dire, toi, tu ne pouvais pas prévoir que quelqu'un allait vouloir t'agresser, donc tu n'aurais pas dû voir. Ouais. Ah oui, je comprends. Comment tu as la responsabilité de pouvoir être apte à te défendre? Mais c'est ça. Mais c'est utilisé socialement quand même. C'est ça, mais. Souvent, c'est une femme boit, il y a un peu intoxiqué, c'est comme si ça excuse qu'elle se fasse. En lien avec, je vais faire participer donc dans la socialisation des hommes. Quels éléments en fait vous pensez peuvent avoir un lien direct dans le phénomène des agressions sexuelles en fait? Oui. Je vais être classique de la question par exemple que c'est impossible pour un homme de se faire agresser sexuellement par une femme ou un autre homme. Donc, il dit que si on prend le cas d'un homme qui se fait agresser sexuellement par une femme, bien, on dit souvent que c'est impossible parce que si l'homme ne peut pas se faire agresser par une femme, que s'il a une femme, c'est une femme. Donc, c'est ça, c'est la socialisation. Sinon, il y a tout simplement le fait qu'en général, ça porte un énorme coup sur les autres. La question était plus qu'est-ce qui, dans la socialisation des hommes, les incite à devenir 98% des agresseurs? Et donc, qu'est-ce qui, dans la socialisation des hommes, les incite à devenir des victimes? C'est seulement 20% des victimes. L'instauration de ces rapports sociaux-là entre les hommes et les femmes qui favorisent le fait que Parce qu'évidemment que ces agressions-là s'insèrent dans les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Et on parle aussi de rapports où est-ce que les hommes ont davantage de pouvoir que les femmes. Donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va faire en sorte que les hommes se sentent justifiés, en fait, à faire ça. En fait, la société patriarcale aussi pense que si l'image de l'homme doit être un homme fort, voulant, désirant toujours des rapports sexuels, donc ça aussi, ça joue, là, comme c'est pas normal qu'un homme ne veuille pas un rapport sexuel, tandis qu'une femme, ben, il faut qu'elle soit au bout. Des femmes disposées ou indisponibles. Comment l'homme est représenté dans la pornographie, comment il agit avec la femme, comment les hommes sont de plus en plus jeunes exposés à la pornographie, puis le fait que ça représente pour eux une image de ce que ça devrait être, puis comment exciter plus ta partenaire, c'est d'être plus violent, plus agressif, plus tout en fait. C'est similaire que l'image qu'on voit dans la pornographie, c'est la dominance d'un homme sur une femme ou sur plusieurs femmes, même, des fois. Ouais. Je ne sais pas qui, mais toi, tout à l'heure, tu voulais poser une question. Oui, l'idée que les femmes sont un peu comme. Elles ont besoin d'être constamment guidées et contrôlées et tout ça, je crois que ça se reflète dans le fait comme les hommes. Qui créent les valeurs, c'est eux qui comprennent comment les choses vont. Comme un exemple, on parle du fait que, une femme parle de la domination des hommes, et là elle est habillée dans des habits qui ont été faits par des esclaves en Inde ou quelque chose. Alors l'homme, il va dire, ben t'as vu, regarde, elle porte des habits qui ont été faits par des esclaves, et elle est en train de parler des droits des humains et tout ça, c'est une preuve qu'elle ne comprend pas et qu'elle a besoin d'être protégée, etc. Comme ça. Ok, donc on parle comme si on se disait que les femmes avaient besoin d'être contrôlées. Être protégées. Parce que c'est vrai, quoi, on voit beaucoup de femmes, elles disent « Oh ouais, c'est terrible quand les gens ils prennent l'avantage des autres et on la voit habillée dans des habits qui ont été faits par des esclaves. » Ça donne de la puissance à justement les choses qu'elle critique, l'esprit de domination des hommes et tout ça. Parce que moi, je m'imagine que s'il n'y avait pas le militaire et tout ça, ça serait plus difficile d'avoir des esclaves qui font nos habits. Quoi. Je ne suis pas sûre de tout saisir, mais bon. Merci de ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Oui, ben on en parle un petit peu, mais c'est que c'est normal d'avoir des pulsions sexuelles, puis que l'homme, dans le fond, il a le droit de les satisfaire, dans le fond, parce que c'est comme naturel, là, c'est biologique, tout ça. Là, puis que, je sais pas, j'ai l'impression aussi que dans la société, on dit souvent, ah, ben les gars, c'est impulsif, tu sais. Fait que c'est comme si ça ne peut-être aussi socialiser, d'excuser, fait que là, les agresseurs, ben, c'était impulsif, tu sais, c'est moins émotif, un gars, il va être plus comme dans l'action, tu sais, je sais pas trop, puis tu sais, une espèce de peut-être prestance aussi le regard des autres, là aussi, d'être comme, tu sais, d'être fort, comme il y en a qui disaient tantôt, de réussir, de posséder, fait que là, c'est un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi, ça influence aussi peut-être la socialisation. Il y a comme un lien avec l'identité aussi. C'est comme les hommes forgeaient leur identité ou on leur apprend à forger leur identité en fonction de leur vie sexuelle. Tout en valorisant en même temps les rapports de pouvoir qu'il y a dans ces relations sexuelles-là qu'ils ont dans leur vie intime. Donc, ça peut avoir un lien, oui. Oui, derrière. Moi, ça fait longtemps qu'on m'a dit, mais c'est. Ouais. Dans le fond, je pense qu'on oublie un truc dans cette idée de société-là, c'est que souvent, ça joue dans la base aussi. Fait que peu importe les milieux dans lesquels t'es, par exemple, tu te souviens d'un fond de campagne moins, puis t'as dit que les gars, ben, tu sais, souvent, ça arrive que, tu sais, bon, ben, mettons, ton but à soir en allant à cette partie-là, tu sais, c'est de me ramasser une fille. Fait que, leur but premier, c'est de s'insérer dans la vie d'une fille, puis réussir à. C'est également à la toucher pour finir avec elle finalement. Fait que, ça joue beaucoup dans les petites dynamiques de groupe comme ça. Puis c'est pas nécessairement juste les images que les médias véhiculent, même si c'est un peu je pense, les médias, mais même à la base, c'est vraiment un gros travail d'éducation à faire. Puis quand comme les gars, c'est le but premier de votre vie, c'est pas de vous péter. Ouais. Mais c'est qu'on ne valorise pas suffisamment, peut-être, cette notion-là de rapport consensuel. T'sais, ça ne vient pas de nulle part. Ça ne s'est pas créé dans ce petit groupe de gars-là. Ça vient de tout ça. Ça vient des messages qui sont véhiculés dans la société. Je ne sais pas, derrière, il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, peut-être. Je sais pas sur la dernière. Les agresseurs, ça va être des hommes. Pas nécessairement une socialisation positive, mais l'idée que quand une personne va agresser, ça va être un homme, ça va être un geste qu'on va avoir en fait. Tu dis qu'il y a une agression sexuelle, tout de suite ton image, c'est un homme agressé une femme. Tu peux dire, ah, oh, c'est pas correct, mais il y a peut-être plus de mal à t'imaginer la femme fait ça, l'homme essaie de se défendre. Mais il y a vraiment une idée automatique que l'homme a agressé une femme. Puis dès qu'on parle, en fait, juste l'idée que ce soit une idée automatique, ça fait que quand on. Si un jour quelqu'un dit genre, ça permet de. Mais on t'a manqué, je pense, au début de l'atelier, mais on a parlé des mythes et des statistiques réelles par rapport à ça. Puis on a dit entre autres que 98% des agresseurs étaient des hommes et 80% des victimes étaient des femmes. Donc après ça, on peut déconstruire pourquoi, mais c'est quand même ça les chiffres. Puis, je pense qu'on peut essayer d'avancer dans la socialisation plutôt que revenir sur les mythes autour de. C'est juste parce qu'il y a longtemps. Parce qu'en fait, les différents mythes font en sorte qu'on détourne notre attention du problème réel, qui sont les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. Si on se dit que le danger est toujours d'un homme inconnu dans la rue à 11h le soir, on détourne notre attention du problème réel, qui sont toutes nos interrelations entre hommes et femmes, et incluant celles avec nos conjoints. Donc, c'est cette base-là, je pense, qu'on voulait discuter aujourd'hui. Essayer de mettre notre attention sur le problème réel en déconstruisant tous les mythes qui font en sorte qu'on met notre regard ailleurs que sur les bases du problème, en fait. Peut-être les gens qui ont les choses à main vite, après ça, on voulait parler des conséquences aussi. Oui, c'est que je sais pas là. Mais moi, c'est l'idée que l'emploi que la femme va exercer dans la société, les emplois où on est surreprésenté, sont souvent des emplois de service, mais qui ont beaucoup évolué dans les 10-20 dernières années. Et le fait aussi que dans une entreprise, une femme ne va pas exercer le rôle de chef, mais elle va souvent être la subordonnée d'un homme. Et ça amène aussi l'idée que l'homme est plus. Ça aide aussi à l'intensification, mais ça montre aussi que dans nos entreprises, dans une idée de travail et d'emploi, la femme est celle qui répond aux besoins encore de l'homme ou répond aux besoins de la société, je ne sais pas comment le dire. Il prend soin de l'homme. Exactement. Mais c'est clair que les inégalités entre hommes et femmes sont interpellées, en fait. S'il y a plus d'hommes qui sont en position de pouvoir et dans la sphère du travail aussi, ben ça fait qu'il y a des femmes qui sont plus vulnérables par rapport à des abus de pouvoir qu'il peut y avoir, qui se concrétisent parfois par du harcèlement sexuel au travail. Bon. C'est clair que c'est des phénomènes qui sont intervenus. Il y avait d'autres personnes? Au fond, oui. Moi, je voulais aller en même temps que le gouvernement, où quand on parle de consentement, les femmes sont socialisées à répondre aux besoins des hommes, mais aussi les hommes s'attendent à ce que les hommes répondent à leurs besoins. Par exemple, un gars qui nous dit flirte, puis le gars est de toute évidence en peu d'excitation, la fille ne peut pas le laisser comme ça. C'est ça, tout à fait. On s'attend à ce que s'il y a eu excitation, les besoins vont être assouvis. Ça rentre dans la socialisation en tant que femme. On sent qu'on a la responsabilité de combler le besoin des autres personnes. Mais aussi des hommes de sentir que c'est le rôle de la femme de faire ça. Tout à fait, c'est ça. En fait, ça fait plusieurs fois des termes français et je voudrais discuter à l'avance pour l'ensemble des choses que je voudrais dire. La religion a un énorme impact dans ce type de relation parce qu'il y a plusieurs. C'est pas nécessairement ceux de la religion, mais plusieurs textes religieux qui indiquent de façon plus ou moins claire que la femme doit, d'une certaine façon, la subordonner de l'homme et qu'elle doit répondre à tous ses besoins. Et plusieurs personnes appliquent ces commandements de façon tout à fait différente. Je ne sais pas si c'est vraiment à l'origine du système, étant donné que ça pourrait aussi être basé sur un système qui existait avant que ce texte soit écrit. Mais l'idée est que c'est la base du comportement de plusieurs personnes et que c'est ce qui est attendu de l'homme d'une façon en termes de l'homme. Effectivement. Il y avait Diane, en tout cas, puis il y avait toi avant, je pense. Au niveau de la question du rapport de pouvoir, peut-être par rapport au milieu militant, je peux constater par observation, quand on prend des fédérations, plus à la cible, on ne peut plus nécessairement le constater comme ça, mais on remarque un jeu qui s'est établi, un jeu de pouvoir, je dirais le mythe de l'alpha. Fait que là, il y a toute la gang de combien on est capable de ramasser de personnes le plus possible. Mais c'est aussi un jeu dans lequel les filles vont embarquer. Là, c'est comme un peu la compétition de domination. Non, c'est moi qui ai réussi à, mettons, dominer cette fois-là dans le rapport de séduction. Non, c'est moi. Ah, j'ai réussi à la dominer elle, j'ai réussi à la dominer lui. Là, il y a comme l'articulation du jeu de pouvoir qui va se constituer, puis la reproduction de ce phénomène. Ben, du comportement patriarcal, si on veut, de la part des femmes, pour pouvoir rentrer dans un jeu de pouvoir-là. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'AC. Je sais qu'environ 10-12 ans, il y avait un peu cette notion-là chez les hommes militants, radicaux, de genre combien de féministes radicales t'es capable de te pogner, genre, puis de subvertir, puis de la faire pervertir ses principes religieux. Okay. Il y a toute cette gamme-là du pouvoir qui est plus comme de. Qui rentre dans l'ordre du jeu, dans la conception que les gens en ont, mais qui finalement assoit la domination. Et qui n'est pas sans avoir d'impact non plus, ce genre de jeu-là. Ça a des impacts réels, ils ne sont pas de l'ordre du jeu. Et c'est sur les dynamiques internes et sur les individus elles-mêmes. En plus, sur la dynamique, tout à fait. C'est des gens qui vont peut-être continuer à aller dans différents espaces de vie, puis qui vont importer aussi cette culture-là, la compétition. C'est d'autant plus dangereux que ce sont des personnes de qui on s'attendrait comme à avoir eu une réflexion minimale sur les rapports égalitaires avec les autres, incluant les femmes, et qui vont se dire aux féministes à l'intérieur. Rapido, viens, il y a des points. Je pense que c'est intéressant cette idée de tableau de chasse, là, parce qu'effectivement, si on vient à la socialisation des hommes, il y a beaucoup cette idée de prédation, dans le fond, ils ont une libido supérieure aux femmes, leur sexualité est plus importante que celle des femmes, donc effectivement, il faut qu'ils ramassent le plus, pour être un vrai gars, il faut que tu ramasses le plus de filles possible, dans le moins de temps possible, puis lui faire faire les affaires qu'elle ne peut pas faire. Il y a comme effectivement l'intégration. La pornographie sert à ça, mais je dirais aussi, parce que le jeune homme mentionnait la religion, c'est vrai que c'est pas juste. La pornographie est un véhicule plus récent, disons, de ça, et plus outillé présentement, parce que c'est à peu près partout où on peut porter les yeux. Mais il y a à l'inverse de ça, si je pense à la religion catholique, qui est celle qui nous touche le plus. Ici au Québec, l'idée que tu dois trouver la fille vierge parmi ça, là, toi. Tu dois trouver la celle qui n'est pas comme les autres. Et c'est très fort aussi, encore une fois, c'est le même type de prédation. Peut-être qu'ils ont le droit de coucher avec moins de filles, mais ils doivent trouver celle qui est la bonne à épouser, à posséder, etc. Quitte à en prendre des plus jeunes. Quitte à en prendre des plus jeunes, le sky is the limit, malheureusement, mais c'est vrai qu'effectivement, cette idée de. Et tout autour de l'idée de possession, de prédation et de possession, effectivement. Malheureusement, comme tu disais, je pense que présentement, il y a des femmes qui. Embarque dans cette idée que moi aussi je suis capable d'en avoir des gars, puis d'être la sexualité, je vais la porter comme je veux, n'importe quand, et qu'effectivement, tu n'as pas nécessairement conscience que tu es en train d'embarquer dans le même jeu patriarcal de je vais consommer des corps, je vais consommer des culs comme ça me tente, le nombre de fois que ça me tente. ça demander que, effectivement, que la personne veuille ou non, ça n'a pas vraiment d'importance dans le tableau. On va faire ça du constat. C'est ça. En réponse à ce phénomène-là, je ne pense pas non plus que ce soit efficace de rentrer dans la même dynamique qu'inversement, tu sais. En ce sens-là, puis je pense, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on va aller dans tout l'aspect des conséquences, mais c'est plate de venir sans parler minimalement, parce que je sais qu'on va en parler plus cet après-midi, mais de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, tu sais. On ne peut pas venir sans glisser un petit mot pour finir là-dessus. Je pense que, en avec ça, comme vous disiez, on vient de trouver qu'est-ce qui est pas efficace, de faire la même chose. Ce qui est clair, c'est que ça prend des lieux, en fait, où est-ce qu'on peut dénoncer, puis non pas juste comme quelque chose que tu vis individuellement, moi j'ai vécu ça, mais comme un phénomène qui touche les femmes en général. Lorsqu'on parle des statistiques, il y a une femme sur trois dans sa vie qui va être agressée, puis c'est... Ça se peut fort bien que on peut croire que ça va être beaucoup plus, en fait. Parce que ces statistiques-là sous-estiment beaucoup le nombre de personnes qui peuvent être touchées. Donc, il faut être capable d'avoir des lieux pour dénoncer ça et avoir aussi tout le soutien qui est nécessaire à ça. Parce que c'est pas vrai que tu te lèves et tu dis tout ça, ben moi je dénonce tel agresseur, tel phénomène. Ça prend tout un réseau de soutien aussi qu'il faut qu'il soit là parce que. Puis je pense que c'est l'expérience que peut-être plusieurs d'ici ont pu vivre, mais ce genre de dénonciation-là ne se fait pas sans heurts. Il y a nécessairement des réactions qui vont de tous bords, de tous côtés, puis qui ne sont pas nécessairement aidantes pour la personne qui décide de dénoncer, en fait. Puis pour continuer à ça, c'est important de se rappeler que dans notre socialisation, on a parlé du déplacement du problème. On a l'impression que c'est la personne qui dénonce qui crée un problème, alors que le problème ne vient pas de la personne qui dénonce, il vient de la personne qui a fait l'agression. Et donc, souvent, on a comme réaction, ben là, c'est la merde qui est poignée, là, c'est des conflits, c'est des si. Puis sans le dire textuellement, on aimerait comme ça que la personne se ferme la gueule, tu sais. Comme ça, on n'aurait pas à gérer ça collectivement. Mais en même temps, quand on fait ça, c'est rare que les gens vont le dire là, textuellement, mais il y a cette espèce de sentiment collectif-là d'être comme de malaise par rapport au fait que ça a été nommé. Ce qu'il faut replacer le problème, pas sur la personne qui a dénoncé, mais la personne qui a commis l'acte en tant que tel. Et pourquoi? Et donc, on retourne vers ça. Mm-hmm. Parce que c'est clair que, comme on se disait, notre socialisation en tant qu'homme, en tant que femme, est interreliée avec ce phénomène-là. Puis j'ai comme envie de vous parler parce que, évidemment, quand on est avec ce phénomène-là qui est social, qui est collectif, ça prend des réponses qui sont collectives. Mais ça peut aussi être pertinent de faire un... Parce que à l'âge où est-ce qu'on est, on a déjà vécu déjà plusieurs années en baignant dans, avec tous ces messages-là qui nous ont construits. Si vous avez à lire un livre, là je parle particulièrement aux femmes ici, un livre qui parle de l'impact de notre socialisation sur le droit qu'on s'accorde aussi à... écouter nos besoins, à établir nos propres limites, à se défendre aussi à des attaques tant émotionnelles, psychologiques que physiques. Il y a un livre qui a été écrit par une féministe de Belgique qui s'appelle Irène Zellinger. Le livre s'appelle « Non, c'est non ». Puis c'est un livre qui est très, très intéressant, qui est politique aussi. C'est pas juste, évidemment, que le but n'est pas de responsabiliser chaque personne pour les agressions qu'elle vit, mais ça peut être intéressant de faire une réflexion sur ses propres mécanismes personnellement dans un contexte social. Fait que le livre s'appelle « Non, c'est non » d'Irène Zellinger. Puis on a juste eu le temps de parler de la moitié de ce qu'on voulait parler. Fait que heureusement qu'on a une journée au complet, mais je pense que là, on est assez en retard dans l'horaire, alors on va éviter de se retarder davantage. Mais c'est ça, il y a plein de choses qu'on aurait aimé ça, j'en ai un bout qu'on n'a pas le temps, mais Oui, c'est ça. C'est la beauté, je pense, d'avoir une journée au complet. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui faisaient écho au focus qu'on va aborder dans les autres ateliers. Alors, c'est sûr que j'invite tous et toutes qui ont les disponibilités pour rester toute la journée. Je pense qu'on a vraiment construit la journée pour construire un atelier sur l'autre qui est capable de faire écho à ce dont on voulait parler.